dumbo gbe ma dege dumbo gbe ni pasi pasi politiki manyi politiki kolombare manye parati politiki kolombare Police, politique, politique mani, politique colombare, mani sabati, politique colombare. Obi febi, oti fesini. Obi Danobi, Obi Jambassini, vive le président, abat le président, vive le général, abat le général, obey Bola Mogo Keleneda, obey Bola Tekeleneda, politique mani, politique colombare. Mwenye farati, politiki kolombari. Obetere fo kila yere sanfe, katere fo kila jidi. Obetere fo kila yere sanfe, katere fo kila jidi. Obetere fo, katere fo, katere fo, kila yere sanfe, katere fo, kila jiki. Catera fo, si la hierre sans fe, Catere fok ki la gigi I. Widi yo ho, widi ye, widi ye he. Mwaye panka wire, mwaye panka wire, mwaye pam pam panka wire.